claque sur le pavé. Le vent fouette les visages, les cols sont relevés. Protégé par la prépuce, j'attends qu'arrive un prochain bus. C'est 5 minutes à tuer avant de rouler vers le même terminus. Donc je fume tranquillement ma fumette et j'attends la navette. Je salue l'alouette, je lui laisse me promettre que le sourire recreusera mes fossettes. Un battement d'aile, le bus arrive, une femme fatiguée aux manettes. Ce n'est pas elle qui me fera faire le tour de la planète. Assis, je regarde les gens qui regardent par les fenêtres. Mine sombre les plus sobres, la buée est sur les vitres. Et le seul signe manifeste qu'ils sont encore en vie. Regard vite sur visage, bande, visage creux, plus rien n'étonne. L'existence monotone pour tous ces petits bonhommes. Fini les mélodies des jolis jours d'été. Même si tu les fredonnes, nous rentrons dans l'automne. Il va se passer un jour, une semaine, un mois, puis une année. Même si tout a déjà été joué, de toute façon il faut y aller, il faut bien commencer. Comme j'ai commencé ce texte avec une seule lettre. Comme ça, je ne serai pas le dernier mec arrivé au bout du monde à plusieurs milliers de kilomètres. Et arrivé au bout du compte, le sourire sur nos têtes, on se dira qu'il fallait les faire les premiers mecs. La pluie d'automne, chargée d'histoire, chaque goutte pèse une tonne. Je suis un réservoir qui fuit des litres de lettres, assez pour remplir 8 piscines de textes. La nuit tombe sur nos têtes, notre carrosse s'arrête, les gens honnêtes se pressent hors de l'autobus, rejoindre leur vie sans plus en se disant ah si j'étais Crésus, moi je suis assis à l'arrière et j'attends mon arrêt. Je plane dans ma galaxie où se cache le soleil, je l'ai découvert. Contrairement à Raan, j'ai trouvé sa tanière. À l'autre bout de l'univers, je vois les choses à ma manière. Sans nation, ni frontières, ni prison, ni barrière. Je suis content d'être en vie et puis toutes les manières. Même si c'est sûr qu'on rit, c'est plus de la même manière. En attendant que la chance choisisse notre pomme. Mon pote, nous y sommes, nous rentrons dans l'automne. Il va se passer un jour, une semaine, un mois, puis une année. Même si tout a déjà été joué, de toute façon il faut y aller, il faut bien commencer. Comme j'ai commencé ce texte avec une seule lettre. C'est comme ça, je ne serai pas le dernier mec arrivé au bout du monde à plusieurs milliers de kilomètres. Et arrivé au bout du compte, le sourire sur nos têtes, on se dira qu'il fallait les faire les premiers mecs. Dans les arbres, le vent raconte ses fables. Né au printemps, majeur en été, l'âge mûr en automne, pour finir en hiver avant qu'on nous débranche. Quand on aura que le souvenir des feuilles vertes qui peuplaient les branches, la pilote se penche, me fait un signe au fond du bus. Il faut que je descende, on est au terminus. Allez, à plus, j'attrape mon sac, les portes claquent. Et comme tout n'est pas qu'une blague, je me dis que peut-être que si je voulais être un ami, un homme, un mari, faudrait faire les premiers mètres. Ces sentiments étranges, je suis sorti du bus seul. Je rentre chez moi seul, je ne veux pas mourir seul. Mais j'étais tellement étanche à toute preuve d'affection qu'il me restera que les miettes qu'on jette pour les pigeons. Mais pour recevoir, il faut qu'on donne à la plage. Je me dégomme pour fuir le réel. Car tu sais, ma belle, nous rentrons dans l'automne. Il va se passer un jour, une semaine, un mois, puis une année. Même si tout a déjà été joué, de toute façon, il faut y aller, il faut bien commencer. Comme j'ai commencé ce texte avec une seule lettre. C'est comme ça, je ne serai pas le dernier mec arrivé au bout du monde à plusieurs milliers de kilomètres.